Le propriétaire du restaurant Subway de Delbault-Mistassini, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Delbault-Mistassini au numéro de téléphone 88-276-6848. On est de retour à Dan. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Samedi 22 décembre, 20h, le multiconcessionnaire de Delbault-Mistassini reçoit la visite des excavations à savoir de la Haute-Côte-Nord au complexe sportif de Delbault. Prix du billet seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi, go! On va parler des prix orange et citron. Premier prix orange et citron de l'année avec notre ami Marc Tiquet. Salut Marc. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Marc, prix orange, prix citron, le premier de l'année. Donc, vas-y avec ton premier prix orange. Ben, au moment où on se parle, je pense que j'ai pas le choix de le donner à la tenniswoman Bianca Andreescu. Ah oui, ça a été. On a le même matin. Et ouais, qui a surpris vraiment, vraiment la planète tennis, là. Avec ta débatte Venus Williams, c'était débatte Caroline Wozniacki. Dans le premier tour, le premier tournoi de l'année vraiment de réchauffement. Là. Ouais. C'est pas un grand chelem, mais le tournoi de la Nouvelle-Zélande, quand même un tournoi important. Puis tu sais, c'est une fille qu'on a eu la chance d'avoir dans notre cours au tournoi d'Arvida. Fait que non, c'est le fun d'avoir ça. C'est le fun d'avoir une fille sur qui on dit beaucoup de bien. Puis tu sais, il y en a beaucoup, puis je sais que c'est pas facile, puis c'est pas évident, mais il y en a beaucoup dans le monde du tennis qu'on dit beaucoup de bien, puis quand ça arrive le moment, ça lève pas, t'sais. Elle, ça lève. C'est vraiment le fun pour ça. Ça a vraiment arrivé en fin de semaine, vers la fin de la semaine. On espère que ça va durer. Effectivement. Puis, regarde, écoute, je pense que là, elle est assurée d'être 107e au monde ce matin. Puis, je pense qu'elle va monter dans les 50 ou 100 premiers. Mais tu sais, Marc, tu étais d'accord avec moi. Ça fait longtemps qu'on disait qu'elle avait du talent, cette jeune fille-là. Et l'année passée, elle a eu des blessures. Mais là, je pense que cette année est arrivée, là. On verra, parce que le tennis féminin, présentement, au Canada, ouais, a besoin de quelqu'un. Là, parce que Eugénie Bouchard, c'est Instagram. Là. On parle pas des performances sur le court. Elle est moins pire un peu, par exemple. Elle montre des signes encourageants. Moi, je ne demande pas qu'elle redevienne skater en 2014, mais au moins qu'elle performe un peu plus que ça. Là. C'était pathétique des bouts. Mais j'y crois plus, moi. Honnêtement, ouais, je pense qu'elle est stagnée où elle est présentement. Là. J'y crois plus. Je veux pas être plate, là, mais j'ai cru, j'allais défendre Beck et Young pendant 2 ans, mais là, tu l'as dit, là, c'est en 2014, là, pas en 2019, un moment donné, non. Mm-hmm. Prix citron, maintenant. J'ai pas le choix d'y aller avec... il est comme à deux volants. Ouais. Le premier, c'est les enfants de chiennes qui se sont laissés aller sur Maxime Comtois en fin de semaine, cette semaine. Ouais. Ça a aucun bon sens. Ça montre à quel point les réseaux sociaux vont finir par mourir à cause de ces gens-là, à cause des gens qui écrivent ça à fil, n'importe quoi. Hein, qui comme écrivent... à Denis, c'est ça, souvenir qu'à Denis, c'est l'autre fois. Là. Mais tu sais, Comtois, je veux dire, si c'était le responsable de défaite, si c'était, tu sais, je dis pas que tu devrais écrire des insultes au monde, mais tout ce qu'il a fait ou pas fait, c'est pas marqué sur un titre de punition. C'est pas une gaffe, ça. Une gaffe, exemple, puis une chance que les réseaux sociaux n'étaient pas développés pour Marc-André Fleury, là. Non. Marc-André Fleury, ce qu'il avait fait avec l'équipe Canada Junior, ça, c'était une gaffe. Tu sais, je veux dire, ça, c'était vraiment une gaffe. Mais dans le cas de Comtois, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Tu sais, je veux dire, il n'y a rien fait de mal. Il y a même, si avec Thierry à côté du net, même pas, il a pu l'arrêter, ta marouette. Rendu là, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais? Puis c'est bien beau la frustration de certaines Canadiennes là-dessus sur ouais, mais faut pas faire de la politique avec ça, puis faut en revenir aussi, là. Tu sais. Ouais, mais viser le coupable, là. Voilà, le coupable de cette débâcle-là, c'est Tim Hunter. Là. Oh ouais. Tim Hunter, je m'excuse, là, mais ça a été zéro qu'une barre. Là. Si vous avez comme moi regardé le match contre la Finlande, là, y a-tu fait des ajustements dans ce match-là? Non. Hein? Presque pas. Y a-tu brossé à la soupe à une manée? On a vu Suzuki changer de trio seulement qu'au dernier match. Tu voyais que la philosophie ne marchait pas. Non, puis t'as vu, au début, il s'en prend à Véleno puis la Frenière. Pourquoi il fait ça? Ouais. Qu'est-ce que ça donne, tu sais? Puis il aurait peut-être eu intérêt à envoyer ces deux gars-là sur l'avantage numérique à un certain moment donné, peut-être que ça aurait pu changer la donne. Puis Comtois, c'était-tu le bon gars à envoyer pour le titre de pénalité. Parce que le règlement a fait qu'on pouvait envoyer qui on voulait. Là, c'est Evan Bouchard qui a été accroché. Puis lui, il a choisi Alec Comtois. Je sais pas. Tu t'en souviens, Danny, c'était qui le meilleur du Canadien en fusillade il y a de cela une dizaine d'années? En fusillade, tu parles de Nagano, là, tu vas venir Gretzky, non? Non, avec le Canadien, il y en avait un là qui était juste bon pour ça. Ben, je sais que t'es Joe Chief, le 10 ans. C'était Pierre Dagenais. Pierre Dagenais, ok, ouais. Tu sais, ton meilleur joueur, souvent, fusillade, c'est pas ton meilleur joueur, c'est la glace. Tu te rappelles de T.J. Oshie aussi, à Sochi, avec les Américains? Ouais, mais c'est ça, tu sais, il y avait sûrement un gars dans l'équipe qui était prêt pour ça, là. Même si c'est pas le plus flamboyant. Ah non, c'est une farce du début à la fin, là, la façon que ça s'est passé, là, avec... Je pense que... Puis t'as Tom Rainey qui défend tes monteurs, puis Tom Rainey, ça en est un autre, ça, qui est là, puis... C'est un ami du régime, on se demande pourquoi. Là. Tom Rainey, qu'est-ce que ça a fait, ça? Mais Marc, hier, je parlais avec Phil, hier, puis c'est la meilleure observation que j'ai eue. Phil Desgagnés disait, il dit, Canada n'a pas joué pour gagner, ils ont joué pour ne pas perdre. Très différent. Là. Très différent quand tu as une philosophie de main. Je pense que le gardien de but était bon, hein? Ouais. Par contre, il aurait fallu qu'il arrête le dernier lancer, mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Mais dans ce match-là aussi... d'un match offensif, d'un match très serré de main, tu te dois profiter de toutes les chances. Puis oui, tu as eu Maxime Comtois, puis tu as eu aussi Noah Dobson. Ah oui, ben, bon ton conseil. Ben, les gens qui mettent l'accent sur un des deux événements, c'est beaucoup plus que ça. Il y a des avantages numériques pendant le match. Il y a eu plein d'affaires pendant le match. Voyons donc. C'est réducteur comme argument, je trouve. Hein. OK, donc c'est ton prix, c'est ton... Moi, je vais y aller avec mon prix orange, c'est le même que toi, fait qu'on ira pas, on s'expliquera pas beaucoup. Mon prix citron, c'est survenu le 31 décembre. J'ai sûr, j'aurais pu y aller avec Team Canada, mais t'as-tu vu ça passer, Floyd Mayweather qui s'en va se battre contre une étoile du Japon? Ben, moi, quand j'ai vu ça, Danny, j'ai fait le saut, parce que ce combat-là devait avoir lieu, puis il a été annulé. Puis là, j'ai perdu le fil de ça. Puis là, j'étais arrivé aux nouvelles. J'ai vu ça. J'ai dit, voyons, non. Ouais. 2 minutes. Le combat a duré 2 minutes. Mais Waiter a donné 3 coups de poing et empoche 9 millions. Pas pire, hein? Ben, écoute, la bonne nouvelle là-dedans, Dali, c'est qu'il n'y a pas d'argent public du Québec là-dedans. Là. Il n'y a pas d'argent public, mais j'imagine que c'était acheté par les pay-per-view là-bas. C'est-tu roulé du monde un peu, ça? Tu sais, il me semble qu'une farce avec Conor McGregor, c'est arrivé, là. Fait que, tu sais, McGregor et Mayweather, c'était correct une fois, là. Mais que après ça, là, c'est assez, là. T'es pas d'accord avec moi? Ben, je suis d'accord avec toi, certain. Ouais. Mais tu sais, quand il y a du monde qui veulent payer pour ça, tu sais, ceux qui ont payé pour ça, là, puis les millionnaires japonais qui étaient dans la salle, là. Ouais. Ben, écoute, rendu là, ben bon pour vous autres, t'sais. Effectivement. Donc, c'est mon gros prix. Mais le sport! Mais Danny, t'as raison sur un point, le sport. Il y a rien. Le sport ne sort pas grand de ça, mais pas non, pas du tout. Mais McGregor, c'était correct une fois, là. McGregor... Ben, au début, je pensais que c'était une joke au début. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, puis à la fin, je me suis laissé avoir, je l'ai commandé le combat. Ouais. Mais ça n'a pas été un mauvais divertissement, on va se le dire. Mais on m'a dit, moi, je ne l'ai pas vu le combat, mais on m'a dit que Mayweather, s'il aurait ouvert la machine un peu, il l'a laissé aller pas mal. Bon, c'est clair. Ouais. Marc, c'est pas mal, on va faire une pause. Je veux te parler des Bengals de Cincinnati. Ton vœu est exaucé après combien d'années? Donc, vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Marc Diquet sur les ondes de radiosport.com. La période des fêtes est maintenant chose du passé. Partez l'année du bon pied chez Canadian Tire avec le tapis roulant en solde à 549,99 $. Un rabais de 70%. Panneaux solaires de marque Cristallin avec rabais de 330 $. Bac emboîtable à 50%. Les employés du magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous souhaite une bonne année et beaucoup de santé. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Samedi 5 janvier, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des éclairs de Charlevoix au complexe sportif de Dolbeau. Prix du billet seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! On est de retour à donatosport.com. Marc, en tant que grand partisan des Bengals de Cincinnati, ça fait longtemps que je t'écoute. On en a parlé l'année passée dans la chronique NFL. Si ton vœu a été finalement exaucé, Marvin Lewis, qui était plus qu'un chat, il avait plus que cette vie, ne sera pas de retour avec les Bengals l'an prochain. Non, ça a duré 16 ans, Marvin Lewis. Ouais, incroyable pareil, hein? Oui, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, puis il y a une chose qu'il faut donner crédit à Marvin Lewis, par contre, malgré tout, là, c'est que avant son arrivée, les Bengals, c'était presque pire que les Browns de Cleveland. Dans les années 90, les Bengals, ils ont eu la finale du Super Bowl en 91, et après ça, ça a été une longue descente aux enfers, de mauvais choix. Écoute, t'as eu Dick LeBeau comme entraîneur-chef, t'as eu David Shula, ça a été un flop monumental. Tu sais, ça a pas été le fun, là. Les corps, hey, t'as souviens-tu du carrière? Khalil, j'oublie son nom, là. Écoute, à Kelly Smith. Ah ouais, quel flop, hein? Ouais, il était choisi assez haut à Kelly Smith, je pense. Très haut, repêchage, là. C'était très, très, très, très haut, effectivement. Puis là, Marvin Lewis est arrivé, ils ont repêché Carson Palmer. Puis, tranquillement, t'as eu les Chad Johnson, les T.J. Manzada qui se sont joints à cette équipe-là. Puis là, whoop, d'ail, là, ça a commencé à... Tu sais, ils sont devenus une équipe respectable. Il n'y a plus personne qui riait vraiment des Bengals. Puis, ils les amenaient en série quand même cette fois. Mais, ces deux, trois dernières années, ça marchait plus, là. Tu sais, ça fonctionnait plus. Il y avait des... d'abord, les choix repêchage n'étaient pas vargeux, mais ça, c'était pas de sa faute. Sauf que, tu sais, il était peut-être trop bon avec ses joueurs parce que... As-tu déjà entendu un joueur critiquer Marvin Lewis? Non. C'est vrai que les Bengals, par contre, c'est pas l'équipe que je suis le plus, là. Non, mais tu sais, peu importe les équipes, quand un coach a fait ramasser par un joueur, on sait. Fait que vraiment, il n'y a jamais eu de critique envers Marvin Lewis, vraiment. Mais c'était le temps. C'était le temps qu'il se passe de quoi. Ça aurait dû se passer l'an passé. Puis moi, honnêtement, ma crainte, là, présentement, c'est... ça prend le bon gars aux bonnes places, là. Ça prend la bonne personne. Le problème des Bengals, c'est le propriétaire de l'équipe, Mike Brown. C'est pas un payeux. Ben, on dit ça, mais Marvin Lewis, c'était quand même un 6 millions par année, là. Ouais. Tu sais, puis on dit que les Bengals, c'est pas des payeux, mais leurs bons joueurs, ils les perdent jamais, là. Tu sais, je veux dire, AJ Green, il est là. Tu sais, puis il est bien payé. Ouais. Dalton est très bien payé. Tu sais, je veux dire, ça, c'est pas un problème. C'est au niveau décisionnel ça me faisait peur un peu, tu sais. Le fait que Hugh Jackson passe en entrevue, puis il n'y a aucun fan des Bengals qui veut voir Hugh Jackson là. Mais là, il y en a plein d'autres, là. Il y a Zach Taylor, le coach de carrière qui a 35 ans, des Rams qui est passé en entrevue hier. Eric Bien-Aimé, le coach de l'offensive des Chiefs. Les Bengals, son nom a été mentionné aussi. Oui. Bon, il y a Bien-Aimé, il y a Taylor. Il y en a un autre également qui est adjoint avec les Rams qui est dans le portrait aussi, là. Okay. Donc, j'ai hâte de voir. C'est sûr que si on prend Hugh Jackson, moi, j'ai l'impression, parce qu'on a interviewé trois adjoints qui sont déjà avec les Bengals, puis j'ai l'impression que ces gars-là, on les a interviewés par courtoisie. OK. On va avoir une nouvelle philosophie. Là. C'est ça, mais ça prend du nouveau monde. Ça prend du nouveau monde. Une philosophie, une manière de penser. Puis moi, personnellement, j'aurais aimé ça que Marvin Lewis demeure avec l'organisation. Mais non, on lui a pas offert de poste non plus. Puis Marvin Lewis, surprenez-vous pas de l'avoir adjoint quelque part, hein? Ben, c'est un excellent coordinateur défensif, Marvin Lewis. C'était avant tout un bon coordinateur défensif. C'est excellent, c'est lui avec les Ravens de Baltimore en 2000. Avec Brian Billick également. C'est excellent, ben, Marvin Lewis, là, comme coordinateur. Puis il avait pris la défense en main des Bengals à mi-chemin de la saison, puis elle s'était améliorée quand même de façon très, très, très significative. Là. Fait que je pense que Marvin Lewis, il est quand même dans la... Je pense qu'il est près de la 300e, mais ça me surprendrait pas de le voir adjoint quelque part. Tu sais, si une équipe engage un jeune coach, ça pourrait vraiment bien faire à ce moment-là. Mais moi, ce qui a été surpris, c'est à Pittsburgh. Oui, les Steelers, c'est pas une équipe qui il y a beaucoup de stabilité, mais il me semble que Mike Tomlin, son temps était fait à Pittsburgh. L'année passée, les Steelers, c'était, tu te rappelles du match contre les Pats, où c'est carrément lui qui l'avait perdu. Mauvaise gestion de cadran. Ouais. Cette saison, ça avait bien commencé, puis ça a fait patate. Je pense que Tomlin, ce sera sa saison de trop l'an prochain. Hein. À moins une surprise majeure. Là. Effectivement. Le dossier Antonio Brown, ça n'a-tu pas de bon sens, ça? Non. J'ai hâte de voir. Lui qui s'en va, je vois pas comment il peut revenir à Pittsburgh, ce gars-là. Là. Il est allé... Ben, il va revenir. Non, il est allé liker plein de choses des 49ers. Hein. Donc, t'sais, t'en vas sur les médias sociaux, tu fais les 49ers, font plein de posts, puis mon Antonio Brown qui like ça. C'est dur après ça revenir, là. Ben, c'est dur, mais... Moi, je pense qu'ils vont jouer à des durs avec comme ils ont fait avec Le'Veon Bell. OK. Il y a 30, quoi qu'il y a Antonio Brown à 30 ans, puis tu sais, un receveur de passe à 30 ans, ouais, c'est pas comme, c'est pas comme Bell, qu'un receveur de passe, un porteur de ballon à 30 ans, c'est pas mal terminé, là. Oui, mais un receveur de passe, il peut être encore 2-3 ans facile. Ouais. Marc, on se reparle samedi prochain? Absolument. C'est de les priorités enregistrons avec Marc.